Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la 104e Vampire Fit, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon, c'est Vampire Freaks et c'est la 104e. Merci pour tous vos messages de soutien par rapport à la 103 Pigeot. J'ai vu que ça fait rire beaucoup de monde et tant mieux. Merci pour tous vos bons retours et merci d'être là de nouveau cette semaine. On commencera tout de suite avec Live or Die de L.I.E. C'est sur l'album Undeniable, sorti le 3 juin 2016. On retrouve Scratch a Lie, I Don't Care Anymore et Love Falls. On s'écoutera ensuite My Girl en vinyle de Madness, c'est sur l'album One Step Beyond, sorti le 19 octobre 1979. On retrouve Nightbow to Kero, In the Middle of the Night et One Step Beyond, du son classique. On continuera avec une nouveauté, Le Loup, c'est le nouveau King Kong Blues. C'est extrait d'un album à paraître en début d'année. Des news très vite, allez sur la page Facebook et le Bandcamp de King Kong Blues. On continuera avec Vices and Virtues de Dropkick Murphys, c'est sur l'album de Minus Time, sorti en 2017. On retrouve God Willing, I'll Begin Again et Never Forget. J'adore ce groupe originaire de Boston. Et on finira ce bloc en live avec Nous Sommes des Babas de Ludwig von 88, c'est sur l'album Live, sorti en 1997. On retrouve Lapin Milice en Va-t'en Guerre, Barry Brultil et Louise Embaumé Forever, un classique du rock alternatif français. Yeah. wanna see the film tonight? I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay here. Tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vous êtes bien dans la 104e Vampire FX, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Live or Die de L.I.A., My Girl en vinyle de Madness, ça craque, ça croustille, c'est magnifique. Le Loup, le nouveau King Kong Blues, Vices and Virtues de Dropkick Murphys, et on a fini ce bloc en live, avec Nous sommes des babas de Ludwig von 88. On continuera avec Don't Go de The Ramones, c'est sur l'album Prison Dream, sorti le 20 juillet 1981. On retrouve We Want Air Waves de KKK, Took My My Baby Away et Come On Now, hein, du son classique. On continuera avec Répression en vinyle. Ah oui, j'ai mis du vinyle cette semaine. De Trust, c'est sur l'album Marche ou Crève, sorti le 20 octobre 81. On retrouve La Grande Illusion, Certitude, Solitude et Ton Dernier Acte en hommage à Bon Scott. On continuera ensuite avec L'Aventurier de The Kingpins. C'est sur l'album Plan of Action, leur troisième album sorti le 12 septembre 2000 avant séparation en 2004. Mais ils sont reformés depuis quelques temps cette fin d'année et ils sont tournés au Québec avec un nouvel album. Affaires à suivre, des nouvelles très vite. Sur cet album de Plane of Section, on retrouvait Designated Driver, Matchbox et Suck Valentine. On continuera ensuite avec Everdream de Nightwish, c'est sur l'album Century of Child, leur quatrième album sorti en 2002, le 24 mai. On retrouve Bless the Child, Ocean Soul et Body of the Beast. Et on finira ce bloc en live avec Blood of the Kings de Manowar, c'est sur l'album Kings of Metal, leur sixième album sorti le 18 novembre 1988. On retrouve Wheels of Fire, Pleasure Slave et Kings of Metal, un classique de chez classique. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Oh. Vous êtes toujours dans la 104e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Don't Go de The Ramones, Répression en vinyle de Trust, ça croustille, je l'adore ce truc. L'aventurier des Kingpins, et oui, à la base c'était d'Indochine. On a continué ensuite avec Everdream de Nightwish et on a fini ce bloc en live avec Blood of the Kings de Manowar. On continuera avec un grand classique, Chips and Glasses de ZZ Top. C'est sur l'album Diguelo, leur 6e album. En espagnol, Diguelo, ça veut dire décapitation ou pas de quartier. C'est sorti en 1979. On retrouve I Thank You, I'm Bad, I'm Nationwide et I Find Mama, du son culte. On continuera toujours avec du bon son Set Me Free de The Kings, c'est sur l'album Kingdom, sorti le 24 novembre 1965. On retrouve Such a Shame, Don't Go Your Fat et Louis Louis, du son d'anthologie. On continuera avec Little Sisters de Queens of the Stone Age, c'est sur l'album Lullabies to Paralyze, leur 4e album sorti le 21 mars 2005. On retrouve Lullaby, Everybody Knows That You Are Insane et Like a Drug. On continuera avec un autre vinyle, je vous ai gâté cette semaine en vinyle, Take It As It Comes de The Doors, c'est sur l'album The Doors, sorti le 4 janvier 1967. On retrouve Salt Kitchen de Crystal Ship et Light My Fire du son culte. Et on finira ce bloc en live avec Gato Lopez de Scapé. C'est sur l'album El Vals del Obrero, la valse du travailleur, sorti le 21 mars 1996. On retrouve Vapores, Romero El Madrero et Cannabis. Et apparemment, il préparerait un nouvel album. Affaire à suivre. When you wake up in the morning and the light has hurt your head, the first thing you do when you get up out of bed is hit that streets of running and try to beat the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. In a funky fine Levi's and her sweater kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. But what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Choice is up to you, cause they come into classes. Rhinestone shades of cheap sunglasses. I don't need nobody else. So if I

na przystanku sto. Moi drodzy, ah, jusqu'à la dernière seconde, Scapé, c'est tellement bon. Vous êtes toujours dans la 54e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Chips and Glasses de ZZ Top, Set Me Free de The Kings, Little Sister de Queens of the Stone Age. On a eu après Take It As It Comes en vinyle de The Doors et on a fini ce bloc en live avec Gato Lopez de Scapé. On continuera cette émission avec Un Monde de Fous de Pat Kebra. C'est sur l'album Décoffrage sorti le 5 février 2013 qui vient d'être réédité. On retrouve Le Temps des Promesses, Envie de Rire, Vini d'Ivresse et Couleurs sur Paris. C'est un album qui a été enregistré en studio mais dans des conditions live. Maintenant il a son propre label indépendant, Kebra Records, et s'occupe d'artistes comme Diva, dont on va écouter Under Your Pressure en nouveauté. C'est sur l'album de Wide One, leur premier album sorti en octobre 2017. On retrouve I Was Blind, Puck Is Dead et Wanted. Allez sur la page Facebook de Diva et Kebra Records. Ils sont aussi sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera avec une autre nouveauté, En Marche, le nouveau Guérilla Poubelle, c'est sur l'album La Nausée, sorti le 1er décembre 2017. On retrouve Ceux qui ne sont rien, Une bouteille à la mer, et Plus je connais les hommes, et plus je préfère les chiens, moi aussi. Ils n'avaient rien fait depuis 10 ans, ils reviennent avec du son tout neuf et du très bon. On continuera avec une autre nouveauté, Daniela, enfin c'est pas tout à fait une nouveauté, de Fast and Furious. C'est extrait d'un album à paraître début 2018, ils m'ont pas précisé la date et je le saurai au dernier moment. C'est une reprise d'Elmer Footbeat, des news très bientôt et on finira ce bloc en live avec la saga des shérifs de Les Shérifs. C'est sur l'album du Poudron et des Glumes, le double album sorti le 21 mai 2007. On retrouve Les Deux Doigts dans la Prise, Joue avec le Feu et plein d'autres, un classique de chez classique du punk français. Voler plus haut, regarder la terre, ne plus voir de frontières. Comprendre que les limites existent que dans nos têtes, nos différences, nos gènes. Est-ce la peur de mieux nous connaître ou de perdre nos repères? Et tu nous souhaites qu'un danger planétaire nous unisse dans la peine. Ah ah ah ah, c'est un monde de fous. Ah ah ah ah, est-ce une malédiction? Ah ah ah ah, si le monde tourne en rond, est-il possible d'espérer que le bruit des armes cesse à jamais? Est-ce le pouvoir, est-ce le sexe qui nous font perdre la tête? Au milieu des lois, de conflits, en querelles, ces histoires-là nous blessent. Pourquoi chercher sans cesse à faire porter aux autres le poids de nos problèmes? Il nous faut très vite trouver les solutions sous peine de disparaître. Ah ah ah ah, c'est un monde. Et rêvé d'un monde plus beau. Ah, ah, ah, rêvé d'un monde. You turned me into someone without ambitions, but I'm tired of living without a mission. I wish so hard I was so disillusioned, but I know I'm running insane. Things remain the same, yeah. Stop putting me under your pressure. When I stop, mess around, I'll be fine, eyes on the ground. Stop putting me under your pressure. When I stop, mess around, I'll be fine, eyes on the ground. I break my wings and my ambitions, like a diva and all the demons, yeah. Through the fears, doubts, and addictions, and yet my mind is stuck on you, and I know this can be true now. Stop putting me under your pressure. When I stop mess around, I'll be fine, miles on the ground. Stop putting me under your pressure. When I stop mess around, looking for freedom I find no more. I drive myself to every dive bar on my way, looking for freedom I find no more, no more. Stop putting me under your pressure. When I stop mess around, yeah. moi ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut y mettre les doigts. Elle est toujours d'accord pour me prêter son corps. Moi ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut s'y mettre à trois. Vous êtes toujours dans la 104e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Un Monde de Fou de Pat Kebra, Under Your Pressure, le nouveau Diva, En Marche, le nouveau Guérilla Poubelle, Daniela, le nouveau Fast and Furious, et on a fini ce bloc en live avec la saga des shérifs, Alors là, pour ce cinquième bloc, le Spike, il a croisé les Rasta, donc du coup, ça va être assez reggae. On commencera avec Open Up de Dennis Blum, c'est sur l'album Love's Gotta Hold On Me, sorti en 1984. On retrouve Soul's Keep Burning, Right Fight et I Can't Stand It, du classique reggae. On continuera avec Big Balls de AC/DC, c'est sur l'album Dirty Deeds Done Dirt Cheap, leur troisième album sorti le 20 septembre 1976. On retrouve Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Problem Child et Jailbreak Dotnabam, du son culte. On continuera avec Jamaica Jerkoff de Judge Dredd, c'est sur l'album Scat for Life, sorti en 1996. On retrouve Ska Fever, Rudeness Train et Bon and Sorry et I Capone, évidemment un classique du reggae ska. On continuera avec Kingston Be Wise de Proto J. C'est sur l'album The Hater Affair, sorti le 12 février 2013. On retrouve I and I, Music From My Heart et Shot By Love. Et ce morceau, Kingston Be Wise, on peut le retrouver sur, dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 5. Allez sur la page Facebook de Proto J parce qu'on ne le connaît pas bien chez nous. Et on finira ce bloc en live, toujours en version rouge, avec Chalawa de Yannis Odoi. C'est sur l'album Moment Idéal, sorti tour, donc le live sorti le 1er décembre 2014. On retrouve Yé Yé, Laissez Rouler et Rouge Jaune Vert. Open up the door to society, God's gift to ballroom notoriety. And I always fill my ballroom, the event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. My ballroom always full, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I've got great balls of fire. I've got big balls, oh I've got big balls, and there's such big balls, dirty big balls, and he's got big balls, and she's got big balls. But when they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big ball should be held every night. Oh, we've got big balls! We've got big balls! We've got big balls! Dirty big balls! He's got big balls! She's got big balls! But we've got the biggest! Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Jacket! gentlemen can be as rude as they like. You should hear the cries of passion when day turns into night. No good living in the sun, playing guitar all day. Mr. Kamosi, no surprise when they send infos to me. Opposite are when plain clothes approaching me. Follow the rules is what they propose to me. Selling their souls for what is old, you see. Nothing is old, nothing is promised. Never know the government would have run up in a them garrison. Without no sorry, without excuse. Soldier man in a them lorry, everybody get abused. And everybody have them views now. The media is owned, so know where you get your news from. And the blood up on them shoes now. When them walk in the trace, look them hard in them face and say, Kingston, be warriors. Kingston, free up your mind. Kingston, just be warriors. For me. Kingston, free up the eye. Yeah. Now all the damage can't quantify. Why Rayan couldn't sanctify? Say enough of them, them sent to die. So the city a intensify. Say the ghetto them a gentrify. Well I nobody no identify. Enough bodies unidentified and just a lie de. Then where the gun de? Dead pants are today, buried Sunday. Like Solomon a gun de. Like a no sons of Solomon them a done de. Leonard Howell a pinnacle and them land de. Subdivision them deal it underhand de. So learn it, cause them come back with them plan it. So tell me, how far do you wanna go now? Hey, cause them we rat ta ta ta ta when you pop out, pow, wow, wow, wow. Kingston. génération importune. Le gouvernement se sent menacé, yeah. Par sa réalité, se font attraper, yeah. Quand je la lune, je la, et je la. Je ne le cache pas à la société, yeah. Et je refuse d'être catalogué. Yes, Sacha, you know, no. Je suis psyché, la légalise déjà. Cha, ou cha, la la la la la. Je vous mentionne pas, mais tu sais déjà. Cha, cha, la la la la la. Quand tu es mort depuis longtemps déjà. Cha, cha, la la la la. Ça, s'il te plaît, en tout cas. Le croisement, on refait ça tous ensemble. On refait ça tous ensemble. Let him chop up, please. À la une, toute ma génération importune. Le gouvernement se sent menacé, yeah. Par la réalité se font rattraper, yeah. Oui, oui, oui. Quand je l'allume, je la, et je l'assume. Je ne le cache pas à la société, non. Et je refuse d'être catalogué. Yes, les trois sont tous ensemble. Je suis checké, la légalise déjà. Cha, cha, la, la, la, la. Je vous motionne, ma mère, tu sais déjà. Cha, sativa. On parle de weed, de ganja, de marijuana. Elle figure sur la liste des drogues à la police. Donc si t'en fumes, sache qu'on peut t'arrêter pour ça. Malgré ses vertus médicales, elle reste illégale. Donc pour tes graines de Zamal, on t'emmène au tribunal. Quand même pour un végétal qui est 100% naturel, je trouve ça bizarre que l'État le prenne si radical. Anti-douleur, anti-vomitif, anti-spasmodie. Les quantités d'État, hier serait bien d'être prescrit. Parce que vos enfants prescrits, elle est même la maladie. Oh, et ça se met contre les gosses, elle est utile. Ou en faire de l'huile dans la construction et dans l'agrocarburant. Sur la symphonie thermique et même dans les cosmétiques. Dans la papeterie. Et j'arrête ici, bonne sexy. Je suis une la légalise déjà. Cha, cha, la la la la. Je vous motionne pas, mais tu sais déjà. Cha, cha, la la la la. Quand tu es mort depuis longtemps déjà. Cha, cha, la la la la. Smoking weed for me, ça will. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Sachez qu'elle a du caractère, pas du genre à se laisser faire. Peut avoir l'esprit, pour être plus clair, selon ton état d'esprit. Peut-être ami ou ennemi, y aller moi c'est pour la vie. En même temps, je pense que c'est le bon moment qu'il réalise qu'on est plus de millions à militer pour sa libération. Alors en attendant, on allume. On l'a vu, on l'a vu, on l'a su. Exploité depuis des centaines d'années par les grands états. Merci Yanis. On vient d'écouter Open Up de Dennis Brown, Big Balls d'ACDC, Jamaica Jackoff de Judge Red, Kingston Be Wise de Proto-J, et on a fini ce bloc en live avec Shalawa de Yanis Odoi en live. Cette 104e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore d'avoir suivi. On finira avec un morceau qui me tient à cœur, Charlotte Forever de Gainsbourg et Charlotte Gainsbourg. C'est la bande originale du film Charlotte Forever, sorti en 1988. Un film revu dernièrement et que j'avais jamais vu. Et je comprends qu'à l'époque, il ait fait couler beaucoup d'encre et dans ces années-là. Et même aujourd'hui, car ça passerait absolument pas aux yeux aux yeux de tous. Mais tout ça, c'est de la provoque. Et vive la provoque, vive Gainsbourg. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. N'hésitez pas, laissez-moi les dédicaces hein, sur la page Vampirefrix, l'émission radio. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vampirefrix, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu! Et on se retrouve aussi sur archive.org. Charlotte. Petit papa rêveur. Charlotte. Charlotte forever. À jamais dans mon cœur. Charlotte. Charlotte forever. Recherche demain. Je suis plus moi. Je dérive à l'infini. Sans moi, approche-toi, amour de ma vie. Charlotte. Charlotte. Charlotte.